Méditation guidée, la visualisation du portail doré vers les annales akashiques. Installe-toi confortablement dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé. Ferme les yeux et prends une profonde inspiration. L'ancrage et la détente. Respire profondément. Inspire lentement par le nez. Retiens ton souffle un instant et expire doucement par la bouche. Ressens ton corps qui se détend à chaque respiration. À chaque inspiration, une énergie apaisante pénètre ton corps. Et à chaque expiration, toute tension se dissipe. Une énergie apaisante pénètre ton corps. Imagine maintenant des racines dorées s'étendant sous tes pieds. Elles s'enfoncent profondément dans la terre, te reliant à l'énergie bienveillante de la terre-mère. Ressens cette force, cet équilibre. Tu es en sécurité, pleinement ancré. L'ascension vers le portail doré. Visualise à présent une lumière dorée qui descend doucement du ciel et t'enveloppe de sa chaleur. Cette lumière te purifie, élève ta vibration devant toi. Un sentier de lumière apparaît. Ce chemin t'invite à avancer en toute confiance. Tu marches paisiblement, ressentant une légèreté profonde. Au loin, une majestueuse porte dorée scintille. Elle vibre d'une énergie divine, d'une sagesse infinie. Ce portail est l'entrée des annales akashiques, le lieu sacré de la connaissance universelle. Dans ton cœur, exprime ton souhait avec sincérité. Je demande humblement l'accès aux annales akashiques pour recevoir la sagesse et la guidance dont j'ai besoin pour mon évolution. La porte s'illumine. Elle s'ouvre lentement dans un éclat doré. Une lumière infinie s'étend devant toi. Tu ressens une paix profonde. Une connexion totale avec le savoir universel. Avance doucement et laisse venir à toi les images, les sensations, les messages. Peut-être verras-tu des symboles. Entendras-tu des mots? Ressentiras-tu une profonde intuition? Sois réceptif à ce qui se présente, sans juger. Recevoir et intégrer les messages. Prends le temps d'explorer ce lieu sacré. Pose les questions qui résonnent en toi. Écoute avec ton cœur. Les réponses peuvent venir sous forme de vision, de pensées claires, d'une sensation de certitude. Fais confiance à ton intuition, à ce que ton âme sait déjà. Lorsque tu sens que le moment est venu, remercie les gardiens et les guides pour leur bienveillance et leur enseignement. Le retour et l'intégration. Visualise maintenant le portail doré qui se referme lentement. La lumière dorée t'entoure toujours. Doucement, tu fais le chemin inverse, revenant en conscience dans ton corps physique. Ressens le sol sous tes pieds. Prends une profonde inspiration. Bouge doucement tes doigts, tes mains. Sens ton corps. Ici et maintenant, lorsque tu es prêt, ouvre les yeux. Tu es revenu empli de lumière et de sagesse. Les annales akashiques t'ont livré ce qui était juste pour toi. Garde en mémoire cette connexion, elle est toujours accessible.